Ok, je vous casse peut-être les oreilles avec mes conseils. Mais franchement, à quoi bon accélérer un processus naturel? De toute façon, vous n'y échapperez pas. Dès l'âge de 18 ans, l'audition commence à se dégrader. Et c'est irréversible. La preuve? Écoutez ceci. Ok. Maintenant, je vais faire entendre ce son à vos parents. Mettez votre baladeur sur pause et passez-leur les écouteurs. Observez bien leur réaction et demandez-leur ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent d'entendre. Alors, vos parents n'ont rien entendu du tout? C'est normal, car ce son est hyper aigu. Sa fréquence est supérieure à 8000 Hz et elle n'est plus audible par les plus de 25 ans. Il faut savoir qu'avec l'âge, on entend de moins en moins bien les sons aigus. Pourquoi cela? On ne le sait pas. Les chercheurs ont quelques pistes. Ils ont remarqué, par exemple, que la zone qui capte les fréquences aiguës est à la base de la cochlée et qu'elle est particulièrement fragile sans que l'on sache très bien pourquoi. Des recherches sont en cours.